Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à bord du Roquefort Show. Nous sommes le mercredi 9 mai et je salue mon compère, Monsieur Tom. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Roquefort Show. C'est rock, c'est fort, c'est chaud. Enfin, du moins, ça dépend des jours, quoi. C'est variable, on va dire. Un coup ça monte, un coup ça descend. C'est un peu comme les montagnes russes. Ah, c'est ce que j'allais dire, les montagnes russes. Mais bon, au Québec, ils n'ont pas de montagnes russes. Hein. C'est vrai? C'est un peu comme le sirop d'érable. Des fois, c'est doux, des fois, c'est moins doux. Allez, on salue nos amis de Radio Biz qui nous diffusent depuis 2 ans maintenant. Hein, c'est ça? Même plus, je crois. Un petit peu plus. Et nous saluons également Metal Invasion. Et ah, attends, on va mettre l'accent maintenant. Ouais, mais attends, mais l'accent, parce qu'on est, presque de l'autre côté de l'Atlantique, nous. On a un pied de l'autre côté de l'Atlantique, un pied en France et tout, c'est super. Enfin, en gros, on a tué entre deux chaises, quoi. Voilà, et puis en plus, notre ami de Metal Invasion s'appelle Sydney. Ah. Donc tu vois, on fait le tour du monde. Ouais, je pense. Et on salue Eric Flynn de Radio Biz, bien entendu. Voilà, on a commencé cette émission 100% Zik nouveauté. On vous rappelle qu'on est en direct hein, quand même ce soir. Vous devez être content. Donc vous pourrez nous appeler au 06 81 01 28 34 pour affler des places et des CD. On aura des CD de Lofofora et on aura des places de concert à voir, à écouter tout au long de l'émission. On a commencé cette émission avec le groupe américain Anthrax de Thrash Metal qui nous sort son nouvel, enfin qui a sorti son nouvel album, mon cher Tom, qui s'appelle Evil Twin. Non, ça c'est le titre du morceau. C'est le titre du morceau et dans l'album c'est Kings Among Scotland. Voilà, et c'est un album live, un double album live de 18 titres qui est sorti le 27 avril chez Nuclear Blast. Il y a également un DVD de 2 heures à peu près hein, de vidéos, d'interviews, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver sur un DVD. Et la cover aussi, ça c'est intéressant ce que Wasp fait parce que ce qu'Anthrax fait, puisque leur pochette d'album, et c'est un rappel un petit peu à la pochette d'album de Kiss de 1976 qui s'appelait Rock and Roll Over, puisqu'on a les 5 têtes des musiciens alors qu'il n'y en avait que 4 chez Kiss, avec dans un rond avec une espèce de scie circulaire tout autour et avec la même typographie et les mêmes détails qu'il y avait sur la pochette de Kiss, donc c'est assez marrant. Et tu sais pourquoi ou pas? Non, je me suis pas renseigné du tout là-dessus. Mais sauf qu'il y a 5 têtes au lieu de 4, hein, puisque c'est un quintet maintenant Anthrax. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? Toi, tu as peut-être la réponse, Tom? Non, du tout. C'est juste l'info qu'ils seront en concert prochainement. Oui, alors vas-y, je te laisse annoncer les dates. D'outre-Atlantique à Vancouver, le 16 mai, le 17 à Penticton, c'est ça qu'on dit? Penticton, je crois, un truc comme ça. Ticton, ouais. Mais c'est pas grave, vas-y, continue. À Calgary, à Edmonton, à Winnipeg, à Toronto et à Laval, Québec. Ouais, mais donne-nous les dates au moins. Le 30 mai à Laval, le 29 mai à Toronto, le 22 mai à Winnipeg, le 20 mai à Edmonton et le 19 à Calgary et le 17 à Penticton et le 16 à Vancouver. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces dates, je pense, sur vos agendas canadiens. Et sachez que c'est une tournée hein, qui ils seront pas tout seuls, hein, les mecs d'Anthrax, ils seront avec Slayer, avec Lamb of God, avec Behemoth et avec Testament. Ça, c'est pour la version canadienne. Par contre, pour la France, je crois qu'ils sont au Hellfest, je suis pas sûr, mais c'est pas impossible qu'ils soient au Hellfest. Hein, à vérifier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, c'est un live intégral qui a été filmé donc le 15 février 2017 à Glasgow, que vous pourrez retrouver sur ce DVD et sur ce CD. Le groupe s'est formé en 1981, ils nous viennent des États-Unis. Voilà, ça c'était pour l'intro de notre cher Rock for Show. Et nous allons continuer avec ce que vous entendez en fond sonore, puisque le groupe sera en concert sur un festival français. Premier du nom, hein, puisqu'il s'agit du Below the Sun Fuzzy Sound Festival numéro 1 qui aura lieu à l'espace Barbara. FGO Fleury Goutte d'Or. Voilà, Fleury Goutte d'Or, espace Barbara. Ce sera les 11 et 12 mai prochains et on va vous donner un petit peu bah, les groupes, puisqu'il y a 10 groupes sur 2 jours, pour 2 jours. Oui, et le vendredi, c'est une petite soirée qui commence à l'ouverture de porte vers 19h, les concerts vers 19h30, avec Your Highness, Stonebirds, à Luna, Et Witchfinder. Witchfinder, ok. Le samedi, donc le 12, nous ouvrons les portes à quelle heure ? 15h30, donc la sieste très courte et on y va. Avec un steak. Et à 16h10, hein, le début des concerts. Ouais, voilà, 16h10 pétante. Donc steak, on vous en avait déjà passé, hein, du steak. Steak ou steak. Ouais, du steak. Après du Mars Red Sky, Glossen. C'est ce que vous entendez en fond sonore, Glossen. Mantra Machine, Domodora, Domadora plutôt, et Decazia. Voilà, alors tout ça, vous avez... C'est du... Voilà, il y a du heavy, il y a du stoner, il y a du psyché rock. Enfin ouais, vous en avez pour tous les goûts sur ce festival. C'est le premier. En plus, la salle est vraiment super sympa, donc allez-y. Et le métro, c'est Barbès-Rochechouart. Si, oh oui, c'est, hein, ça, ouais, c'est ça, hein, c'est Barbès-Rochechouart. Le prix d'entrée, mon cher Tom. Le prix d'entrée. Le vendredi, c'est 15€, plus les frais de location. Sur place, ce sera 17€, sauf pour les tarifs réduits. Alors, non, en tarif réduit, ce sera 17€. Et en tarif préférentiel, ce sera. Ou tarif plein, ça doit être tarif plein, ouais, TP. Tarif plein, ce sera 18€, hein, si c'est sur place. Pour le samedi, c'est 22€ en pré-vente et ça sera 24€ en tarif réduit et 25€ en tarif plein. Préférentiel, qu'ils disent. Ouais, mais non, je pense que c'est tarif plein. Et le pass deux jours, c'est un prix unique. De toute façon, il est à 30€ plus les frais de lock en pré-vente et il est à 35€. Donc, c'est tarif unique pour le sur place. Voilà, on va passer à des nouveautés, mon cher Tom, avec... Oui. Avec des gens, tu sais, qui sont tout maquillés comme ça, noir et blanc, là, tu vois Kiss. Ce que je veux dire. Presque, ils ont tout piqué à Kiss. Ah enfin, ouais. Kiss leur a tout appris, surtout. Le groupe s'appelle Dimmu Borgir. Il nous sort un excellent nouvel album qui s'appelle Eonian. On vous en a déjà passé un petit titre, je crois, dans l'émission. Mais franchement, l'album est vraiment sympa. Et le titre que nous vous proposons de découvrir ce soir, mon cher Tom... Le titre Archaic Correspondence. Exactement, sorti chez Nuclear Blast le 4 mai dernier. Ça faisait 7 ans que le groupe n'avait pas fait d'album. Donc ils reviennent avec un magnifique album de 10 titres, mais dont ils ont une box set. Et dans la box set, vous avez 5 titres plus pas mal de goodies. Donc à vous de voir. C'est un sextet de Black Symphonique qui s'est formé en 1993 en Norvège à... Oslo. Je croyais que tu allais me dire Osley. Non, non, à Oslo. Et ils seront surtout en concert, mon cher Tom, au Canada aussi, du 14 au 16 juin. Oui, à Montebello. Au Québec. Dans un festival qui s'appelle le Rockfest. Et pour les amis, pour les Français, hein, ceux qui sont outre-Atlantique par rapport aux Québécois, eh ben ils seront à Clisson. Clisson, je sais pas si vous connaissez le truc qui c'est s'appelle le Hellfest. Hellfest. Voilà. Ce sera le 23 juin. Le 23 juin prochain. On enchaîne sur les doumeux de Candlemass. Candlemass avec leur nouvel album. Ben, pour l'instant, c'est un EP, hein, mais le nouvel album s'appelle House of Doom. Et le titre qu'on vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom, c'est le titre éponyme. Half of Doom. Hein, c'est quand même bien, quoi. Nuclear Blast, ça sortira le 25 mai prochain. C'est un EP de 4 titres. Voilà, et le quintet de Doom Metal qui s'est formé en 1980 en Suède, à Stockholm, va venir vous titiller vos oreilles. Nous enchaînons encore avec un groupe un peu brutal, on va dire, mais vous allez voir, il y a des choses à dire sur... Devil Driver. Le titre de l'album, mon cher Tom. Outlands Till the End, volume 1. Oui, c'est le premier volume. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre, Outlaws Till the End ? Eh bien, tout simplement, des reprises de country music, mais à la sauce Devil Driver. Donc là, on va vous passer ce soir un morceau qui s'appelle Heroes Country. Et dedans, on retrouve le compositeur de ce morceau qui s'appelle Hank Free. Alors, moi, je ne le connais pas, mais bon, apparemment, eux, ils connaissent bien en musique country. Donc, c'est que des covers de la musique country à la sauce Devil Driver, comme je vous l'ai dit. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre le groupe nous vient des États-Unis, Devil Driver. Ils nous viennent de Santa Barbara. Ils se sont formés en 2002. Et puis ils nous font du trash death un petit peu, ouais, on va dire ça. Et au chant on retrouve Death Fafara qui est l'ex chanteur de Cold Chamber. Voilà, ils seront en concert, mon cher Tom. Oui, le 17 août prochain au Motocultor Festival et le 18 à Colmar, la salle Le Grienne. Exactement. Le Grienne. Voilà. Et bien écoutez, on vous laisse avec Dimmu Borgir, Candlemass et Devil Driver et on se retrouve tout de suite après. 06 81 01 28 34 si vous voulez nous envoyer vos SMS. Shadows. Of evil, the labyrinth of rules. Vous avez écouté Dimmu Borgir, Candlemass et Devil Driver. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les mercredis soir de 19h30 à 21h30 ici sur notre continent en France. Sinon Québec c'est 13h30, c'est ça? Ouais, 13h30, 15h30. Ça enlève 6h, ouais. Ouais, il me semble que c'est ça. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Oui, j'ai oublié de vous dire que pour Devil Driver, l'album sort pas tout de suite, hein, il sortira que le 6 juillet. En fait, chez Napalm Records. Donc voilà. C'était une exclue. Enfin, un peu. On va dire un peu. Peut-être pas, mais c'est peut-être une adaptation quand même. Oui. Et sachez que sur le morceau qu'on a écouté, il y avait le compositeur original qui était invité à venir chanter. Alors je pense qu'il chante dessus, qui s'appelle Hang Free. Voilà. Ce que vous entendez en fond sonore, ça va être en concert très bientôt à Paris. Le groupe s'appelle Thunder Mother avec leur nouvelle chanteuse. Par contre, là, je vous ai mis l'album de 2015 et pas l'album de 2018 sorti chez Despots Records. L'album que vous écoutez là actuellement s'appelle Road Fever. Ils seront où en concert, mon cher Tom? Au Gibus. Live? Yes. Hein, c'est où celui-là? C'est au Faubourg du Temple. Notre République. Super. Donc, c'est un quintet de hard rock au chant féminin, comme vous l'entendez. Le groupe s'est formé en 2010. Ils nous viennent de Suède, de Stockholm. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Le nouvel album, oui, le nouvel album contient 13 titres, donc celui de 2018, hein, bien évidemment. Il est sorti en février 2018 et c'est le titre éponyme du groupe. C'est-à-dire qu'il s'appelle Thunder Mother. 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler une place pour aller voir Thunder Mother. On enchaîne encore avec des nouveautés, toujours des nouveautés, mais des nouveautés anciennes, hein, puisque le groupe s'appelle Fargo. Donc je pense que ça va rappeler beaucoup de choses à tous nos anciens auditeurs. Fargo qui... 36 ans après son dernier album. Voilà. C'est pas beau ça? Hein? Eh mais ils ont fait quoi entre temps? Bon, ils se sont tournés les pouces, je sais pas. Ils ont fait des gamins? Certainement. L'album s'appelle Constellation et il sortira le 25 mai prochain chez SPV. Et le titre que je vous propose de découvrir, mon cher Tom... Southern Breeze. Exactement, la brise, enfin, je crois que ça doit vouloir dire ça, la brise du sud. Ouais, hein, venant du sud. Même. Venant du sud, ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors dedans on retrouve des... Enfin, le groupe avant s'appelait Victory. Je m'en rappelle pas qu'il s'appelait Victory, mais bon. Ou alors ils se sont appelés Victory maintenant et du coup ils se rappellent Fargo pour sortir et clôturer en fait l'histoire du groupe. C'est un quintet de hard rock qui est né donc en 1960 combien 76 non? Un truc comme ça? Mon cher Tom? De quoi? Non, 73. Le groupe est né en 73. Le dernier album en 1982 et la séparation en 84. Voilà, et le dernier album s'appelait F. Voilà. F comme Fargo. Hein. Yes. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Pas grand-chose d'autre hein, là-dessus. Mon cher Tom, non? Non, de plus ils sont allemands, ils viennent de Hanovre, voilà. Voilà, c'est tout. Allez, on enchaîne avec Blitzkrieg. C'est bien avec les cheveux. Hop, derrière, on enchaîne avec Blitzkrieg. On devrait pas dire les boches et les cheveux, ça se dit pas. Les Allemands, parce qu'en fait, ils font du très très très très bon métal. Ah, bien sûr. Et respect pour eux. Ils font des bonnes cages en métal aussi. Ils font des fours aussi. Mais n'importe quoi, hein. Allez, Blitzkrieg, qui veut dire la guerre éclair. Le dernier album du groupe s'appelle Judge Not. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom. Wide-legged and headless. Alors ça veut dire les jambes. Enfin, à peu près, hein, je pense que ça doit vouloir dire ça. Les jambes blanches et sans tête. Ouais, après la brise du sud. Voilà. Ouais, des noms de morceaux à large de jambes et sans tête. Voilà. Sachez que l'album est sorti le 27 avril dernier chez Mighty Music. Il contient 11 titres et c'est un quintet de la New Wave of British Heavy Metal, donc qui date des années 1980. Bah oui, le groupe s'est formé en 1980 au Royaume-Uni à Leicester. Nous enchaînerons ensuite avec des Canadiens, tabernacle. Cobra and the Lotus, tout à fait. Et c'est la suite, en fait, ils avaient sorti l'année dernière un album qui s'appelait Prevails 1. Et bien là, c'est le Prevails 2. Et le titre que je vous propose de découvrir, mon cher Tom... Velvet Roses. Exactement. Sorti chez Napalm Records, sortira le 12 mai prochain. Voilà. C'est bientôt. Hein. Alors, c'est la deuxième partie. On va dire que c'est le Yang et que Privel One, c'était le Yin. L'album contient 11 titres et un bonus. Plus un bonus dans la version édition limitée. Voilà. C'est un quintet de heavy metal à chant féminin. Le groupe s'est formé en 2009 et ils nous viennent de... Calgary au Canada. Exactement. Et ils seront en concert. Oui, en France, chez Paulette à Nancy le 13 mai, mais avant ils seront à Montpellier au Secret Palace le 12. Non, juin. C'est pas Palace, c'est au Secret Place. Secret Place, ouais, pourquoi j'ai dit Palace? Non, parce que c'est comme ça. Et c'est en juin, le 13 juin à Nancy, le 12 juin à Montpellier. Voilà, donc on vous envoie la musique dans vos oreilles avec Fargo, suivi de Blitzkrieg, et on termine avec Cobra and the Lotus. Et si vous l'avez au Gibus, 06 80 01 28 34. Bonne écoute, à tout de suite. From their pain, my family's gone, they never found them. right knee, where silence is the key. Wide-legged and headless in the darkness. She'll never leave again. She knows I'm not insane. I touch her skin, she's so cold now. She'll always be my love. She is my velvet glove. I'll keep her safe. She still loves me. I left you. Screamer. C'est le groupe que vous entendez en fond sonore et qui seront en concert à Paris, au club. Ils seront pas tout seuls, puisqu'ils seront avec Bullet Jesus Chrysler. Et alors c'est peut-être Jesus Chrysler Superstar, voilà, c'est ça. Donc ne les ratez pas, hein, 06 81 01 28 34, je crois qu'il nous reste une place, hein, mais voilà. Le groupe s'est formé en 2009 en Suède, ils ont sorti un album en 2017 qui s'appelle Hell Machine, mais nous avons choisi un titre de l'album précédent qui s'appelle Phoenix, qui était sorti sur le même label, High Roller Record, mais c'était en 2013. Et l'album contenait 9 titres. Voilà. Auparavant, nous avons écouté Fargo, Blitzkrieg, et nous avions terminé avec Cobra. Les Canadiens, Cobra and the Lotus. Nous allons continuer dans de la nouveauté, avec des choses un peu plus différentes maintenant, puisque nous allons aller faire une petite visite du côté prog, avec le groupe Tesseract. Tesseract qui nous sort son nouvel album qui s'appelle Zonder, qui est sorti le 20 avril dernier sur Kaescope. Et le titre que nous allons vous diffuser ce soir, mon cher Tom. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, Luminary. Exactement. L'album contient 7 titres. C'est un quintet de métal progressif qui s'est formé en 2003 aux États-Unis. Non, au Royaume-Uni, excusez-moi. Au Royaume-Uni, à Reading. Et ils seront aussi également en concert, mais en France, bien entendu. Mais pas pour tout de suite pour Paris. Ils seront d'abord à Clisson, du 22-2 jusqu'au 24 pour le Hellfest. Et ils seront à Paris au mois de novembre. Je crois que ce sera le 12 novembre. Oui, hein, c'est ça. C'est ça. Au Trabendo. C'est ce que tu as noté. C'est ce que j'ai noté au Trabendo. Nous enchaînerons après Tesseract à quelque chose de plus, on va dire, plus FM, hein, puisqu'il s'agit de Jeezy Pearl. Alors, qui est ce Jeezy Pearl, mon cher Tom ? Est-ce que tu connais ? Ça fait partie un peu avec Quiet Riot. Alors, c'est toutes ses influences, ouais. Ouais, vas-y, je t'écoute. Mais après, je connais pas vraiment, donc là, tu me parles d'un truc. Bon, alors, c'est le chanteur de Love and Hate, hein, groupe ricain. Et il a sorti donc son album solo qui s'appelle All You Need Soul. Et le titre que je vous propose de découvrir. Is All You Need Is Soul. Et oui, All You Need Is Soul. All You Need Is Soul. Soul. Allez, le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Eye for an Eye. Tout un programme, ça sort chez Frontiers le 11 mai prochain, c'est-à-dire dans 2 jours. Trois jours, hein, puisque nous sommes le 9. L'album contient 12 titres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bah, c'est du hard rock, voilà, classique. Le monsieur Jeezy Pearl, il est actif depuis 1984 aux États-Unis, à Chicago. Et donc il chante, voilà. Il fait de la guitare également. C'est un ex-Rat, un ex-Quiet Riot, un ex-Adler Appetite. Donc c'était la suite de Guns N' Roses quand le groupe s'était disloqué. Et puis donc c'est pour tous les fans de Love and Hate, de LA Guns, de Dead Daisy qui est passé ou qui passe bientôt à Paris. De Rat, de Great White, de Bullet Boys, Junkyard, Lynch Mob, Kix, on en passe, et des pires. Voilà. Et enfin, le dernier titre de cette programmation musicale, c'est un français. David Slam, ouais, c'est comme on veut. Alors, c'est il slam français, pas. Donc c'est slam. Ouais, mais il slam pas du tout. Hein. Il fait du hard rock, du heavy metal. À l'anglaise, à mon avis, c'est David Slam. Son album s'appelle Follow the Butterfly et le titre que je vous propose de découvrir, c'est ce que je fais avec Tom. C'est mon esclave, c'est Tom. Et c'est une autoprod. Oui, c'est une autoprod qui est sortie en mars dernier, le 19 mars exactement. C'est le deuxième album qui contient 12 titres. Et voilà, notre ami David nous vient de France. On envoie la musique ? Oui, 06 80 01 28 34. On a des places pour le club, c'est ça, Phil ? Je crois. Je crois qu'il m'en reste une. Ouais, c'est ça. Allez, musique. Bon, allez, c'est parti, à tout à l'heure. We'll be right back. day we bear and suffer, it's fucking hard to contain. I will have rest in the hereafter, I will feel no pain. Rock4 Show avec Tom et Phil pour vous servir et vous donner plein de bonne musique à foutre entre vos oreilles. N'est-ce pas, Tom ? Ça fait du bien, hein ? Ouais, ça dégage tes cages à miel. Hein. Allez, on a écouté quoi, mon cher Tom ? Je te laisse débriefer cette fois-ci. On a commencé avec. T'es comme ça, toi. Ouais, on a commencé avec. Avec de la lumière, Luminari de Tesseract. On a continué avec Jeezy Pearl, voilà. Et on vient de terminer avec... Avec un français, David Slame. Exactement. Et ce que l'on entend en fond sonore, c'est aussi un groupe français, le groupe s'appelle Mankind. Ils seront en concert avec Jealous et Rapture Farm au club. Ça sera donc le 19 mai prochain. C'est bien. 06 80 01 28 34, si vous voulez rafler une place pour aller les voir. T'as des actions au club ? Non. J'aime pas trop cette salle, hein, au niveau du... Non mais on a l'impression que t'as des actions au club. Mais j'aime bien pour y retrouver les potes parce que c'est un quartier qui est assez sympa parce que c'est... C'est très central. Ouais, voilà, c'est à côté du Black Dog, c'est à côté de Châtelet, c'est à côté de pas mal de choses. Et c'est rue Saint-Denis. Ouais. Hein, au 14 rue Saint-Denis. Oui. Voilà, on va continuer avec... En bas de la rue. Des nouveautés encore. Je crois que ça doit être le 14 rue Saint-Denis, le club. On va continuer avec des nouveautés avec Chevalier. Chevalier, alors on croit qu'avec un nom comme ça, c'est un groupe français. Eh bien non, pas du tout, c'est un groupe finlandais dont on avait déjà parlé puisqu'on avait rencontré le guitariste lors du Music Hawaii Festival. Est-ce que tu te rappelles ? Grand fan de ADX. Tu te rappelles un peu, non ? Ah ! Ils étaient venus que pour ADX, d'ailleurs. Enfin, le monsieur était venu de Finlande que pour ADX. Ah, mais oui, voilà. C'est pour ça que tu... C'est Tom. C'est Tom. C'est Tom. Hi Tom. Tom Rentor. Voilà. Le salut au passage. Oui, c'est. Et donc Chevalier, en français, hein, ils viennent de sortir un nouvel EP. C'est pas un morceau de ce nouvel EP qu'on va vous diffuser, mais quelque chose de nouveau quand même. Donc le nouvel EP s'appelle A Call to Arms et c'est sorti chez Gates of Hell Records le 27 avril dernier. Mais là, on va vous passer un morceau tiré d'un split EP qu'ils ont enregistré avec un autre groupe finlandais qui s'appelle Légionnaire. Voilà. Et le titre que je vous propose donc de découvrir de ce split EP s'appelle The Greed of the Cross. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le groupe existe depuis quelques années. Ils ont sorti deux EP plus un split EP. On attend vraiment l'album hein, avec impatience. Ils nous viennent de Helsinki, hein, donc ça va rafraîchir un petit peu les idées. Et c'est un quintaine de heavy speed avec voix féminine, chanteuse. Le groupe existe depuis 2016. Alors leurs influences, c'est ADX en priorité, Judas Priest, Iron Maiden, Merciful Full Fate et toute cette vague un petit peu heavy speed de cette époque. Le groupe donc est inspiré des années, enfin s'inspire musicalement des années 70 et 80. Et ils seront en concert, mon cher Tom, à Paris le 26. Et je crois que c'est, j'ai pas noté la salle. Je crois que c'est le club. Pas sûr. Ouais, je l'ai pas. Pas sûr. Avec Oracle, Sacral Knight et Citadel. On vous donnera la salle tout à l'heure. Pour l'instant, sachez que c'est le 26 mai. Ne les ratez pas. Nous, on va essayer d'y aller. Je sais pas encore trop comment on va faire. On va essayer. Allez, on va passer à une grosse surprise. T'as pas des places pour le club ? Bon, allez, on vous en met une. On vous en met une. Je sais pas si c'est au club, c'est pour ça que je n'osais pas. Mais allez, on vous en met une. On s'arrangera avec Tom pour en décrocher une. On enchaînera avec un groupe hongrois. On y croit, on croit ou on croit pas. En tout cas, eux, ils y ont cru. Ils ont cru. Puisqu'ils ont été sélectionnés pour représenter leur pays, la Hongrie. Vous les avez peut-être vus hier soir. Je ne regarde pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. On est, disconnecté. Ouais, parce que moi, je ne sais même pas qui s'est gagné. En tout cas, ils ont joué au concours de l'Eurovision pour la Hongrie. Paraît-il, parce qu'on n'a pas vu, nous. Hein. Bah moi j'ai rien vu. Et le titre, alors je vais pas vous le donner en hongrois parce que je ne parle pas le hongrois. Mais le groupe s'appelle AWS. AWS. Et en anglais, le titre du morceau qu'on va vous passer s'appelle Goodbye Summer. Alors que nous on va rentrer dans l'été et eux ils leur disent déjà au revoir. Quoique aujourd'hui hein, c'est pas tout à fait ça quoi. Enfin, des fois on se demande quoi. Ça sort chez Edge Records et donc le titre a été composé sorti en 2018 pour le concours de l'Eurovision. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Et ben après on enchaînera sur Fuck Shit Up. Tout attaché, voilà. C'est un EP aussi. Qui vient de sortir. Alors attention, le titre du EP, tenez-vous bien, attachez les ceintures, on va essayer d'y aller d'un seul coup. The Great Art of the Modern Northern Underground Conceded Laboratory. C'est tout ? J'en ai pas oublié ? Non ? C'est bon. Donc voilà, ça c'est le titre du EP. Tout ça pour avoir sorti un EP. C'était l'Obsidian Laboratory. C'est une autoproduction qui est sortie le 2 mai dernier. C'est un EP de 4 titres. Alors, pour la petite histoire, ils nous viennent de France. C'est enregistré de live. Ils viennent de Schnorr. Du Schnorr, d'accord. Ouais. C'est enregistré live pour tout ce qui est la partie instrumentale. Et pour ceux qui le chant. Veulent... Le chant, attends, je t'explique. Le chant, par contre, lui, a été posé par la suite. Et il a été enregistré sur deux titres. Donc, par Alex de Black Bombay. Et les deux autres titres ont été enregistrés par un artiste électro qui s'appelle Ray Noiser. Alors, je ne connais pas. Mais bon, ça donne un panel, en fait, de styles différents. Tu voulais me dire, Tom, à part le mot de fuck shit up. Ouais, si je me trompe pas, ils sont sortis à peu près de studio, ils en sont pas loin. Parce qu'à l'époque. Ils sont sortis de studio, mais ils vont enregistrer un nouvel album. Oui, mais je crois que c'est justement. C'est déjà fait ? C'est en cours ou c'est dedans, quoi. C'est à quelque chose près. Et je voulais dire aussi autre chose par rapport à ce groupe. Oui, ils seront en concert pour ceux qui le veulent et ceux qui sont très perchés, si vous voulez, dans le Nord, au Raperché le 12 mai à Arras. Ouais. Très bien. Voilà. Et l'album qui devrait sortir après ce 4 titres sera un 7 titres. Voilà. Bah, on vous laisse en musique. 06 81 01 28 34 pour nous envoyer vos SMS et pour participer au concours. Et puis sinon, on part avec Chevalier et sans Las Palès, hein, avec AWS. C'est moche. Et puis, fuck shit up, à tout à l'heure. toujours dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show, diffusé par Radio Biz et en rediffusion sur Metal Invasion tous les lundis. À et en podcast sur le site archive.org. Voilà, ça c'est nos archives à nous. Ce que vous venez d'entendre, c'est donc, 100 balles pour écouter l'archive. Il y avait Chevalier, ensuite nous avons eu AWS, ceux qui ont joué au concours de l'Eurovision pour la Hongrie. Et puis nous venons de finir avec Fuck Shit Up, et le titre, on a oublié de vous le dire tout à l'heure, s'appelle Let It Snow Without Frank Sinatra. Voilà. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Wisdom, on vous en a déjà parlé puisque l'album vient de sortir. Il s'appelle As Time Turns to Dust. Sorti chez Scarlet Records. L'album contient 9 titres et c'est le 4e album du groupe et ils seront en concert, mon cher Tom. Ah, c'est beau les concerts, mais si j'ai ma feuille, c'est encore mieux. Le 26 mai, voilà. À Paris, à la Boule Noire. Mais ils ne seront pas tout seuls, ils seront avec Beneath My Sins et avec Bellocan. C'est fini, non ? 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler une place pour la Boule Noire. C'est du Wisdom, c'est un sextet de heavy symphonique avec chanteurs féminins et féminines et masculins. Le groupe existe depuis 2007. Voilà, ils nous viennent de Paris, bien entendu. Nous allons continuer avec Born Broken. C'est du canadien Montréal, formé en 2008 avec leur album The Years of Arch Truth and Little Lies. Et le titre qu'on va écouter, c'est Empty Souls. Exactement. L'album est sorti le 18... Enfin, va sortir le 18 mai. 18 mai, c'est une autoproduction. L'album contient 10 titres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de tout ? Ils sont formés en 2008. C'est surtout pour les fans de Lamb of God, Sepultura et Ectomorph, donc tout ça poutre grave, quoi. Hein, voilà, c'est ça, on peut vous le dire. Quintette de hardcore, voilà, tout est dit. Nous enchaînerons ensuite avec Carpathian Forest, qui nous reviennent avec un EP pour l'instant, 2 titres. Ah, ils sont pas foulés. Non, mais le nouvel album arrive très bientôt. Ça sort chez Indie Recordings, enfin, c'est sorti le 13 avril dernier. Le EP s'appelle Lickheim, et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle All My Friends And Dead. Are Dead. Et je crois que c'est une reprise, si mes souvenirs sont bons, il me semble. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Bah, c'est un trio de black metal qui s'est formé en 1990 et ils nous viennent de Norvège. Et enfin, on terminera avec Crematory. Tiré de l'album Oblivion, le morceau. Non, on va pas manger de la saucisse, bien que ça soit Halema. Nous allons écouter le morceau Immortal. Sorti chez SPV le 13 avril dernier. Exactement. L'album contient 13 titres. C'est du death gothique. C'est même un sextet de death gothique formé en 1991. Et comme l'a dit Yonami Filoui, c'est des Allemands qui nous viennent de Wesel. Allez, on envoie la musique. 06 81 01 28 34. Ça, c'est pour vos SMS pour participer au concours ou pour nous passer un petit coucou. On envoie la musique. À tout à l'heure. We'll be right back. Ça poutre sévère ce soir dans le Rock for Show avec cette nouvelle plage musicale que nous venons de vous diffuser entre vos oreilles. Born Broken, suivi de Carpathian Forest, et on a terminé avec Crematory pour la, un petit coup de mélodie quand même. Et puis ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle When Reasons Collapse, sorti chez Do It. Leur nouvel album s'appelle Omen of the Benches. Ça sortira le 25 mai prochain. C'est un album qui contient 9 titres. C'est un quintet de deathcore formé en 2008 qui nous viennent de Paris. Ils seront surtout en concert le 2 juin à Paris. C'est où je sais. Gibus. C'est au Gibus Live, encore une fois. Voilà. Du temple, 06 81 01 28 34. Je suis sûr que Do It nous filera des places. Donc voilà, vous pouvez nous appeler. Eh, ça va, c'est bien sponsorisé par Gibus et Club ce soir. Ouais, quand même. Bah, c'est là où il y avait des concerts, mais il y en avait d'autres ailleurs, au Glazart et tout ça, mais ça je vous laisse les regarder sur le net. On va continuer avec Deathstorm, excusez-moi. La mort... Éclair. Non, Deathstorm, c'est la tempête. La mort en tempête ou la tempête de mort. Là, ça va être la tempête de mort. L'album s'appelle Reaping What Is Left. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Hallowed Ground. Ça sort chez High Roller Records. C'est bien ça, tempête de mort. C'est ça, hein. Ouais. Ça sort chez High Roller Records le 25. Enfin, c'est sorti. C'est ça ? Non, ça va sortir le 25 mai, oui, c'est ça ? Ça sortira le 25 mai chez High Roller Records. Et c'est un groupe autrichien qui vient de Graz. Voilà, exactement. Nous enchaînerons ensuite avec la petite nouveauté qui va faire réagir pas mal d'auditeurs, pour le bon comme pour le mauvais. Le groupe s'appelle Five Finger Death Punch. Ils nous sortent leur nouvel album le 18 mai prochain. Et le titre que l'on vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom, s'appelle... Champagne, ça me fait penser à Champagne. C'est peut-être ça, hein, y a peut-être un jeu de mots là-dedans. Hein. Et ça s'appelle Injustice for None, et la justice pour personne. Je pense que c'est un clin d'œil à Metallica, ça, hein, avec leur album Injustice for All. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cet album ? C'est le 7e album du groupe, il contient 14 titres, plus 3 bonus dans sa version Digipack limitée. Et ça sortira chez Prospect Park Record. Quoi d'autre ? C'est un quintet de metalcore. Ils se sont formés en 2005. Ils nous viennent de LA. Aux États-Unis. Et on enchaînera ensuite avec un groupe français qui s'appelle Equinox. Et dedans, on retrouve nos amis, puisqu'il y a Aurel et il y a monsieur Pascal Mulot. Hein, yes. Voilà, donc c'est un groupe de prog symphonique. L'album s'appelle The Cry of Gaia. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est The Cry of Gaia, le titre éponyme. L'album va sortir le 4 mai prochain, mais il était déjà enregistré depuis 2015, je crois. Et ça sort chez Mystique Productions. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre ? Y a d'autres musiciens dedans, puisqu'il y a Inopsis, il y a Emmanuel Kreis, et puis Aurel et Pascal Mulot. Je crois que j'oublie personne. Hein, l'album contient 12 Aurel, titres. Personne, tout le monde ne sait pas qui c'est Aurel. Mais si, c'est le batteur de Pascal Mulot. Voilà. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Voilà, c'est du symphonique progressif. Et on se retrouve tout de suite après pour la fin de l'émission. On envoie la musique, c'est parti. The Storm. We'll be right back. talking cause they never fucking knew me. Everybody seems like they're waiting for me to die. Talk shit behind my back, can't look me in the eye. They say I'm overrated, that I should've already faded. Give a shit about it all because I love to be so hated. So fucking thin, I'm all over the place. I hate riding on the bus, I hate flying in the plane. Sedate myself just to kill the pain. I have no life, forgot the hope. The whole thing's turned into one big joke. Living the good life, a toast to you now, it's all champagne. De retour dans le Rock for Show pour la fin de l'émission. Vous entendez l'Ophophora en fond sonore, mais avant ça, nous avons entendu Death Storm suivi de Five Finger Death Punch et nous avons fini avec Equinox. L'Ophophora sera en concert le 7 juin à Paris à la Maroquinerie pour la sortie de cet album acoustique qui s'appelle Simple Appareil. Je pense que ce sera un concert acoustique sorti chez Atom le 6 avril dernier. On a des CD pour vous à gagner. Pas de place de concert, mais des CD de ce dernier album, Simple Appareil. 06 81 01 28 34. Et vous voyez, pas de questions, rien, c'est tout. On va se quitter avec deux petits joyaux, hein, mon cher Tom. Le premier s'appelle Leak, le morceau s'appelle To Kill, et l'album s'appelle Carnage. Donc je pense que ça doit bien poutrer tout ça. C'est sorti chez Metal Blade le 4 mai dernier. C'est un album de 10 titres, c'est un quartet de death metal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le groupe s'est formé en quelle année, mon cher Tom? 2014. Yes. Et ils viennent d'où? De Suède. De Stockholm, exactement. Et nous terminerons avec Trillium, Trillium avec la charmante Amanda Somerville au chant. Monsieur Sacha Pace également à la guitare, enfin il fait un peu tout là-dedans. L'album s'appelle Teutonic. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Time to Shine. L'album sortira le 8 juin prochain chez Frontiers. Il contient 10 titres. Voilà, et c'est du heavy symphonique. Et puis bah, on se retrouve je ne sais pas quand hein, pour l'instant, mais on verra bien. Comme dirait l'autre, à la revoyure. À la revoyure. Allez, on vous laisse avec ces deux joyaux. C'était Rock. C'était fort. C'était chaud, c'était le Rock for Show. À très bientôt, portez-vous bien. Salut Radio Biz. Salut. time to shine.